J'avais une question à vous poser. Oui, pardon. Ah oui, pardon. J'ai fait un peu rapidement parce que on va en parler plus tard, mais pour vous rappeler, l'agenda setting, c'est la mise à l'agenda. La mise à l'agenda, c'est-à-dire la sélection faite par les médias, les thèmes qui vont faire l'actualité. Vous savez que dans une rédaction, dans une chaîne de télévision, vous avez des quantités de brèves, d'informations qui viennent des grandes agences de presse. Et donc, de toute manière, à un moment donné, le journaliste et le rédacteur vont devoir sélectionner un certain nombre de thèmes. Alors, ce qui est marrant avec l'agenda setting, c'est, si vous regardez le JT de la FEDEF, le JT de RTL, c'est que finalement, on arrive à la même sélection, plus ou moins au même choix. Donc, il y a une sorte de contamination, parce qu'on n'a absolument pas envie, je suppose, de louper une information considérée comme importante. Bon. Après, l'agenda setting, c'est aussi la question de ce que vous allez mettre en titre, en avant. Donc, avec quoi vous allez ouvrir votre JT, vous allez dire, là, je viens de voir Bernard Westphal est acquitté. Voilà. C'est l'information qui va changer le monde, hein, vous savez. Fait divers qui implique un politique. Donc très bien. Et ça fait 3-4 jours qu'on nous. Enfin, 3-4 jours. 3-4 semaines, pardon, qu'on nous bassine les oreilles avec ça. Donc, ça, c'est un choix de l'agenda setting. C'est-à-dire, c'est important. On considère que le citoyen belge est intéressé par ces histoires. Et donc, on va envoyer des envoyés spéciaux, ratisser. Le plus large possible le sujet pour essayer d'avoir des non-informations sur la question. Pardon, je change de sujet. Alors, donc, l'agenda setting, c'est ça. Le framing, c'est le cadrage. Le cadrage, c'est la manière dont vous présentez une information, donc c'est la manière dont vous allez charger l'information en indication, soit des commentaires que vous allez faire, une musique que vous allez choisir, pour illustrer un reportage, un petit commentaire que le présentateur fera avant le sujet qu'il montre ou après, pour, encore une fois, encadrer ce qui est montré. Le contraire du framing journalistique, on va en reparler, hein, mais le contraire du framing journalistique, c'est, peut-être que vous connaissez cette émission, cette séquence sur Euronews, No Comment. No Comment. Donc, No Comment, c'est, on vous montre l'information brute. Donc il n'y a pas de commentaire du journaliste, il n'y a rien, il y a juste l'image et le son. Donc là, il n'y a pas d'absence de framing, et on voit tout de suite que bon, ça interpelle. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ces thèmes-là, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc voilà. Alors, effet... Pardon ? Dans les tableaux, lorsqu'on est en dessous de la marge de 5%, on tient quand même compte, mais on n'a pas de marge d'erreur à appliquer, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On prend la marge minimum ? Oui, on prend la. Enfin, en général, ce que fait. Alors, c'est ce que je disais avec quelqu'un à l'interco. Dans les différents sondages, vous savez, il y a différents instituts de sondage qui sont sollicités. Vous avez Ipsos, IFOP, etc. en France, la presse. Et en Belgique, vous avez aussi Dedicated Research, hein, qui fournit aussi des sondages. Alors, il faut aussi savoir une chose, c'est que vous avez des sondages qui sont commandés parfois par les partis politiques. Faites-nous un sondage. Sur telle question sociétale, par exemple. Et là, l'institut de sondage reste dans une véracité, hein, c'est-à-dire qu'il vous dit, ok, le résultat est entre 7 et 12%. Donc, vous, en tant que journaliste, en tant que média, vous avez la possibilité de choisir si vous allez titrer que le résultat, par exemple, combien de Belges sont préoccupés par ou sont contre les militaires dans la rue, j'invente, hein. Et vous allez voir qu'il y a très peu et que ça se situe entre, je sais pas, 17 et 27%, eh bien, on va plutôt mettre ça du côté de 27 parce que vous êtes vous-même contre. Donc, il y a une question idéologique, il y a une charge idéologique que vous pouvez appliquer au résultat d'un sondage. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que il y a une responsabilité du politique dans l'interprétation, il y a surtout une responsabilité des médias et des journalistes dans la manière dont on va vous présenter ce résultat du sondage. Okay ? Et donc, ce qu'il faut toujours tenir à l'œil, c'est d'une part la taille de l'effectif, parce que plus l'effectif descend, est à, pas à 1000, mais à 600, 500, 400, ils n'osent pas à 400, mais 500 c'est déjà très très faible. Et donc, on se retrouve avec des marges d'erreur de 4,9, etc. Et donc là, franchement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de commencer à gloser sur les plus 1, plus 2, plus 3% que fait telle ou telle partie? Donc voilà, c'est une question. Alors, il y a d'autres effets qui découlent de ça. C'est ce qu'on appelle les effets directs. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le bandwagon effect et le underdog effect. Désolé, c'est des termes anglais. Je vous explique ce que c'est. Alors, les deux principaux effets donc, soupçonnés des sondages, c'est d'abord le bandwagon effect. Alors, le bandwagon effect, c'est cette tendance que l'on aurait à rejoindre la majorité des individus qui se sont exprimés, de se conformer au mouvement ambiant, autrement dit, la tentation, souvent inconsciente, pour les indécis, de voter en faveur de ceux qui sont donnés favoris, qui sont donnés gagnants, ou qui ont le vent en poupe. C'est-à-dire, on vous dit, le PTP est en train d'exploser, fait trois fois son score. Eh bien, si vous êtes indécis et plutôt partagez ces valeurs, eh bien, vous dites, cette fois-ci, je vais arrêter de voter PS, je vais peut-être voter PTP. Etc. Donc il y a cette idée de un petit peu de contamination ou d'enthousiasme débordant qui peut vous affecter. Même chose dans un cas de figure inverse où on vous dit telle partie est en baisse, telle partie perd des points, vous dites le CDH par exemple est en train de vivre ça pour le moment, tout le monde est en train de dire le CDH est en train de s'effondrer, s'écrouler parce qu'il y a des baisses dans les sondages. Eh bien vous dites oui, parce que je vote encore CDH, hein, les médias en parlent aussi, ils le disent. Donc, il y a ce côté un petit peu grégaire qui est lié au bandwagon effect. Le bandwagon, c'est les wagons dans un train qui se mettent l'un derrière l'autre. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est l'effet du underdog. Alors là, c'est un autre effet que l'on a observé. C'est certains électeurs vont se dire là, maintenant, il faut que je bouge parce que. Si je ne vais pas voter aux primaires, je ne sais pas, en France, le candidat qui sort risque, pour que tout le monde annonce comme gagnant, risque véritablement de passer. Donc là, les sondages ont une sorte de... photographie, encore une fois, une situation qui vont interpeller un certain nombre d'électeurs en disant, si les résultats sont si mauvais pour mon parti, alors je vais le soutenir. Des candidats qui, dès le départ, sont perçus de manière complètement loufoque, risible ou n'ont aucune chance, et qui se retrouvent tout en bas des sondages, et où l'engagement du militant va être motivé par ce côté underdog. Underdog, c'est celui qu'on n'attend pas, c'est celui qui apparaît, qui sort de nulle part. C'est un petit peu ce qu'on a fait avec Donald Trump, ou qu'on a vu avec Bernie Sanders pendant tout un temps, dans la campagne des primaires du côté démocrate. Finalement, c'est plutôt un réflexe de soutien et de défense de ceux qui sont défavorisés par les sondages ou défavorisés par les commentaires que l'on fait autour de tel ou tel résultat. Alors, là encore une fois, les journalistes et les analystes de tous bords, vous savez qu'aujourd'hui, on a remplacé les sociologues, les chercheurs, la plupart du temps sur les plateaux, par des experts en sondage, ceux qui sont capables de vivre dans les entrailles de l'opinion publique, et qui sont souvent amenés à spéculer sur les conséquences possibles des résultats s'ils devaient correspondre à ceux annoncés par les sondages. Donc on est dans une forme de météorologie. Oui, voilà. En gros, on essaye de deviner le temps qu'il fera. Voilà. Et donc l'électeur peut se réjouir ou bien sûr s'effrayer des perspectives qu'on lui annonce. Vous ne trouvez pas ça un petit peu fou? Ça fait maintenant presque un an et demi que tout le monde, chaque expert de l'Institut Sondage en France dit « De toute façon, on arrive à peine au deuxième tour. » Voilà. Est-ce que les gens ont voté? Est-ce que les gens se sont déplacés? Est-ce que l'élection a déjà eu lieu? Non. Alors moi, je suis plutôt pessimiste de nature. Mais est-ce que Marine Le Pen est réellement déjà au second tour? Non. Vous savez, il y a en 2011, ou un peu avant, tout le monde voyait déjà DSK président. Dominique Strauss-Kahn va gagner de loin la primaire de gauche. Voilà. Donc attention, avec ses effets aussi, ses commentaires prédictifs sur les résultats des sondages. Alors, je ne dis pas du tout que Marine Le Pen ne se retrouve pas au second tour, elle n'est pas interpellée au mois d'avril l'année prochaine en disant « mais vous avez compté n'importe quoi ». Mais simplement pour vous dire qu'il y a aussi une sorte de mise en condition du public par ce commentaire permanent sur les prédictions des sondages. Alors, les effets indirects, il y a d'autres effets indirects en fait qui existent, c'est la présence, vous savez, la présence, c'est l'omniprésence des sondages en période préélectorale, qui peuvent là aussi induire un certain nombre d'effets. Alors, je vous disais qu'il y a une multiplication des sondages, regardez, juste en France, c'est encore c'est un petit peu dommage, mais le schéma s'arrête en 2007, mais regardez un petit peu l'augmentation des sondages. Depuis les années 60, on voit que les sondages publiés durant les campagnes d'élections présidentielles en France, on est passé de 12 à 293 en 2007. Vous pouvez être sûr qu'on a probablement doublé ce chiffre aujourd'hui. Hein. Donc c'est complètement fou. Hein. Donc il y a des sondages absolument tout le temps. Et la publication répétée des résultats des sondages, eh bien, liée à une élection qui vient, elle va monopoliser l'attention des commentateurs et des journalistes. Il va, en fait, souvent occulter le débat d'idées. C'est-à-dire, on va aller voir l'homme politique ou la femme politique, on va lui dire, mais qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre Marine Le Pen au second tour? Tous les sondages le disent. Alors, on va aller voir M. Mélenchon, on va lui dire, mais vous n'êtes pas en train de diviser la gauche? C'est quand même n'importe quoi, vous allez faire perdre la gauche, parce que Marine Le Pen est au second tour, hein, tous les sondages le disent. Et donc, il y a une sorte de... On ne parle plus que des résultats fictifs, qui n'ont pas encore eu lieu, et on ne parle pas, en fait, du débat d'idées. Donc ça, c'est un des effets indirects. Et puis, la campagne électorale, elle va se transformer en une sorte de compétition. Parce que chacun va regarder les statistiques de l'autre, les résultats de l'autre. C'est pour ça qu'on parle souvent aux États-Unis de « horse race journalism ». Alors, « horse race », c'est la course de chevaux. Le journalisme, la course de chevaux. Donc, plutôt que d'analyser, encore une fois, le contenu, alors je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais on va s'intéresser aux résultats, voir qui lui monte, lui descend. Alors, on parle maintenant, depuis plus d'un an, de la courbe, hein, Trump, Hillary. Et vous voyez d'ailleurs, si vous êtes sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux où ces deux candidats sont également actifs, eh bien, systématiquement, un Trump, par exemple, va publier des résultats de sondage pour bien prouver que certains sondages sont devenus gagnants. Justement, pour essayer d'influer, encore une fois, l'opinion, plutôt dans un effet de bandwagon. Alors, ces commentaires qui n'arrêtent pas et dans les médias, eh bien, vont souvent, encore une fois, être obstrués, je dirais, ce que je disais tout à l'heure, les débats d'idées. Et l'autre effet indirect, c'est que les sondages peuvent en vérité nourrir une forme de démagogie. De démagogie, pourquoi? Parce que vous avez l'articulation ou la mise en avant d'idées qui vont être prouvées par des sondages. Vous avez certains leaders politiques qui vont vous dire « tous les sondages montrent que les Français sont préoccupés par la question des migrants hein, ». Et donc il y a une sorte de déresponsabilisation dans le discours politique du représentant, de l'élu ou du candidat, en renvoyant le débat public et le citoyen vers les résultats statistiques des sondages, en disant, mais regardez, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les sondages. Et donc, vous allez aussi avoir, pourquoi démagogie? Parce que vous allez avoir la construction de certains programmes électoraux, certains programmes de certains candidats, sur mesure. En tenant compte de tous les sondages, les derniers sondages qui sont sortis. Alors, un exemple assez interpellant, vous savez qu'en 2007, Ségolène Royal était la candidate du PS en France. Juste avant, un an et demi avant, le PS français avait adopté un programme électoral que tous les candidats à la présidence donc, qui participaient à la primaire socialiste, la première primaire socialiste, devront in fine respecter même s'ils sont élus. Hein, s'ils sont d'abord élus comme candidat PS, et ensuite s'ils sont élus tout court. Eh bien, Ségolène Royal n'a pas respecté cela, puisqu'elle a fonctionné sur base de sondages quotidiens. C'est-à-dire, elle voulait recevoir tous les jours des sondages une sorte de condensé de l'opinion publique pour savoir sur quel thème elle allait intervenir, sur quel thème elle allait, quel thème elle allait commenter. Et donc c'était une sorte de programme en temps réel. Donc vous voyez, là, on peut appeler ça la démagogie une adaptation en temps réel, mais les sondages, là, jouent un rôle déterminant, y compris dans les idées qui sont défendues par tel ou tel candidat. Et donc, vous avez une légitimation des positions politiques par rapport au sondage. Hein, plus de 50% des sondés disent que, et bien donc, c'est une vérité. Voilà. Donc, les sondages, d'une certaine manière, remplacent un petit peu le débat d'idées, et c'est pour ça qu'on parle parfois de sondocratie, hein, donc plus de démocratie, mais de sondocratie. C'est les chiffres qui remplacent finalement les débats, les joutes entre partis politiques. Alors, l'autre dérive, c'est le détournement des sondages. Vous pouvez sortir les résultats de leur contexte. Je vous ai montré tout à l'heure qu'un sondage pouvait être mené en comparaison sur différentes temporalités. Vous pouvez comparer vos résultats aujourd'hui à ceux du dernier sondage. On peut aussi les comparer à ceux des dernières élections. Tout ça, bien sûr, varie fortement, et donc l'impact sera d'autant plus grand que l'espace entre deux photographie de l'opinion sera donc l'écart sera important, et bien plus vous allez probablement avoir des variations importantes, hein. Et donc vous pouvez parfois avoir une déformation des variables mesurées. Alors là, j'ai juste un exemple, une anecdote par rapport à ça. Alors, est-ce que certains se souviennent de l'élection des régionales en 2009 en Belgique, les élections régionales, donc c'est quand même pas mal d'années. Alors, en 2009, il y a eu un coup de maître, je dirais, en termes de communication politique du Parti Socialiste et des milieux libéraux, puisque vous savez que lorsque les résultats tombent, donc vers 20h ou un peu avant, logiquement, vous avez directement la prise de parole des leaders politiques pour commenter les résultats. Hein, on va dire, alors, voilà, les résultats sont tombés, est-ce que vous êtes triste, est-ce que vous êtes content du résultat que votre parti a fait. Alors, les résultats à Bruxelles et au Parlement wallon étaient, comme vous voyez, très négatifs à l'époque pour le Parti Socialiste, puisqu'il perdait 5 sièges, il perdait 5 sièges ici également, donc à Bruxelles et en Wallonie. Donc, logiquement, si on compare cela aux dernières élections, aux élections d'avant, donc les résultats étaient clairement négatifs. On voyait qu'Ecolo avait scoré plus 8 sièges ici et plus 11 en Wallonie, donc qui lui ressortait gagnant de cette élection, sachant qu'après il faut faire des coalitions, enfin tout ça est très compliqué. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Edouard Durbeau a veillé à prendre la parole en premier, et au lieu de dire, voilà, nous sommes déçus du résultat, nous faisons toujours un score honorable, bien sûr, en Wallonie, où on est largement dominant, et à Bruxelles, on a perdu, hein, clairement. Eh bien, au lieu de dire ça, d'avouer une certaine manière sa défaite, surtout à Bruxelles, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a imposé une clé de lecture, un framing, un cadrage aux résultats tels qu'ils étaient montrés, puisque au lieu de dire on a perdu, il a dit le tsunami, je cite, le tsunami contre le PS ne semble pas se produire. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que dans les derniers sondages qui avaient été publiés, les résultats du PS étaient catastrophiques. Donc on prédisait moins 10 sièges, moins 9 sièges, etc. Et donc, par rapport au dernier sondage, le résultat final, donc le résultat acté par le vote des citoyens, était finalement moins mauvais que celui qui avait été prédit par les sondages. Et en disant ça, en imposant cette clé de lecture aux journalistes, qui après, effectivement, ont repris cet effet de spin. Vous savez, le spin, c'est les spin doctors, c'est ceux qui donnent un effet, justement, qui déforment un petit peu la réalité pour la rendre plus agréable, plus positif pour leur candidat. Donc avec cet effet de torsion à la réalité, il s'est présenté finalement comme gagnant. Donc il a dit, bah, regardez, merci, hein, génial, merci, par rapport au sondage, vous nous avez finalement moins laminé que prévu, hein, donc il s'est profilé en vainqueur politique, et c'est lui qui a dû prendre la main, finalement, à Bruxelles, enfin, en Wallonie, c'était facile, mais à Bruxelles, c'est finalement l'Olivier qui a été reconduit. L'Olivier, donc, qui réunissait le PS, Écolo et le CDH, et non pas une majorité dont on parlait beaucoup avant, qui aurait pu se profiler entre le MR et Écolo pour Bruxelles. Donc voilà comment on peut jouer, en tout cas, avec les sondages, et paraître gagnant alors qu'on n'est pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui est un peu fait date en communication politique. Alors, d'autres limites des deux sondages, c'est d'abord le biais qui peut être, les problèmes liés, si vous voulez, à l'approche quantitative. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent, dans un sondage, on va vous donner le choix entre différentes solutions, différentes réponses. Alors, on va vous demander, dans un sondage, voilà, est-ce que vous vous sentez plus wallon, belge, socialiste, européen, citoyen du monde? Oui, c'est complètement bête comme question. Parce que vous pouvez très bien être tout à la fois, ou rien. Donc déjà, il y a une sorte de... On transforme tout de manière quantitative et on vous donne le choix entre différentes réponses, et parfois vous n'avez finalement pas de réponse à donner. Alors voilà ce que ça donne dans un reportage. Il y croit de plus en plus fort. Le wallon est fier de son identité et se sent très différencié de son voisin du Nord. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'IWEPS, un centre d'études et de statistiques. Autre fait marquant de cette étude, le wallon se dit plus confiant qu'avant dans les institutions publiques du Gambot. Fier d'être wallon, ce sentiment semble de plus en plus ancré dans les mentalités. Selon l'Institut wallon de statistiques, ce sentiment est passé de 72% en 2003 à 78% en 2013. Plus wallon donc, mais un wallon qui se sent aussi de plus en plus différent par rapport à son voisin du Nord. Il y a 10 ans, seul un wallon sur trois se disait différent d'un flamand. Aujourd'hui, ils sont deux wallons sur trois à parler de différence. Alors, quelles sont exactement ces différences? Juste la langue, c'est tout. À part ça, on est tous les mêmes. Une différence de culture par rapport à consommation, par rapport à l'art, mais à part ça, je ne vois pas non. Je pense que ce sont quand même des gens plus organisés, plus structurés que la plupart des wallons. Au départ, je les trouve peut-être un peu plus froids, mais une fois qu'on les connaît, on perçoit tout à fait les mêmes que nous. Je pense qu'on fait une fixation là-dessus depuis quelques années, sans doute avec toutes les. Qui se passe avec Bachelot et etc. Paradoxalement, peu nous évoque de véritables différences. Pas vraiment surprenant, car selon cette même étude, le wallon se sent surtout belge. Le rapport de l'IWEPS révèle aussi une méfiance des wallons vis-à-vis des partis politiques, des médias ou des syndicats. Par contre, les wallons ont vu leur confiance augmenter ces 10 dernières années dans la région wallonne, l'État et l'Europe. Le citoyen dans l'étude a bien montré qu'il comprend la complexité des situations. Une décision, c'est jamais simple à prendre. Il y a des états de dimension qui interviennent dans la prise de décision, et le citoyen a bien montré qu'il était conscient de cette complexité-là. Donc s'il reconnaît que c'est difficile, il ne devra pas faire de politique, en quelque sorte. Il reconnaît la difficulté de prendre des décisions, et ça c'est un élément intéressant, ça veut dire qu'on n'est pas face à un citoyen qui est strictement critique par rapport aux politiques. Il est critique, mais il est compréhensif aussi par rapport à la difficulté qui est la sienne. Si ces statistiques sont bien entendu à prendre avec prudence, elles révèlent tout de même une certaine évolution de nos mentalités en Wallonie. Convaincu. Enfin, voilà. Donc, c'est typiquement le genre de sondage qui ne sert à rien. Et donc, qui fait l'actualité et qui permet en tout cas à la presse de vendre des journaux. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, les autres limites, bien sûr, c'est par rapport à la nature du thème abordé. Pardon, ici j'avais un slide avec tout ça. Donc, quantitative, on vient d'en parler. Donc, deuxièmement, le biais lié à la nature du thème abordé. Puisque, par exemple, je disais tout à l'heure, pour étudier les rapports qu'ont les citoyens à l'extrême droite, par exemple, on va demander aux répondants de se situer sur une échelle gauche-droite. Puis, on va les interroger sur leur vote aux dernières élections. Puis, on demandera quelle personnalité ils préfèrent. Et on voit souvent qu'il y a un décalage en fait entre la déclaration et la réalité, un écart très important qui peut exister entre les attitudes déclarées et réelles, entre les comportements qui sont avoués et effectifs. Donc là où au téléphone on va plutôt hésiter à dire ce qu'on pense vraiment, sur Internet, comme on l'a dit tout à l'heure, on va se lâcher, on va être peut-être beaucoup plus radical qu'on est en réalité. Donc, ce qui veut dire que les comportements valorisants peuvent être surestimés. Si on vous appelle, on dit « Est-ce que vous triez vos déchets ? Est-ce que vous conduisez prudemment ?» Oui, bien sûr. Donc, on ne le fait pas tous les jours. Et les comportements négatifs sont sous-estimés. Hein, donc, les questions liées à la fraude, au sexisme, au racisme, etc. Et donc, il y a un décalage qui, lui, en fait, est non quantifiable. Vous ne pouvez pas quantifier ce décalage. Donc ça, c'est un biais qui est tout à fait possible et fréquent. Ensuite, souvent, les questions sur une situation totalement hypothétique. Donc, si aujourd'hui, il y a des élections, pour quel parti voteriez-vous ? On ignore la campagne, les thèmes, les événements à venir. Donc aujourd'hui, on commence déjà à faire des sondages sur cette question-là. Vous savez quand sont les prochaines élections fédérales ? 2019. Bon, il risque de se passer encore pas mal de choses jusque-là, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de déjà réfléchir à des candidats ? Alors en Belgique, c'est pas encore trop grave. Vous savez qu'en France, dès 2012, donc l'année où François Hollande a été élu, on commençait déjà à réfléchir au prochain présidentiel, à qui allait pouvoir l'affronter, etc. Donc il y a une sorte de frénésie de la personnalisation dans certains pays, où finalement on ne pense qu'aux élections et à ce fameux casting présidentiel. Alors, donc ça c'est un problème. Et donc un non-événement, hein, puisqu'il n'y a pas d'événement, l'élection est dans quelques années, mais qui pourtant fera la une si il y a un plébiscite ou une baisse de popularité de tel ou tel candidat. Alors la formulation des questions aussi, elle a un rôle essentiel. Elle est souvent imprécise, mal formulée, et avec un niveau de langage qui peut être inadapté. Donc, là aussi, la formulation des questions peut influer la démarche d'enquête. Donc, par exemple, la question que vous voyez ici, pensez-vous que le gouvernement n'en fait pas assez pour la sécurité des citoyens ? Vous voyez que déjà, dans la formulation de la question, il y a une petite connotation. Comment jugez-vous la politique du gouvernement en matière de sécurité ? C'est différent. Là, déjà, c'est une question ouverte. Et vous allez réfléchir un petit peu plus à votre réponse. Il faut avoir d'autres questions qui sont encore plus insidieuses, comme préférez-vous que. C'est une question que vous pouvez retrouver dans la presse. Préférez-vous que le bourgmestre soit choisi directement par les électeurs, ou préférez-vous qu'il continue à être nommé par le roi après négociation et marchandage entre conseillers communaux et partis politiques ? Je pense que vous n'allez pas aimer les marchandages en général. Qui sont faits derrière votre dos. Donc, là aussi, attention. Et puis, bon, il y a d'autres éléments, comme le fait que pas tout le monde a une opinion sur tout. Si vous me posez des questions sur les examens maintenant qui sont liés, par exemple, au domaine de la santé, etc., on n'est pas tous experts, certaines questions très, très précises où il faut un bagage scientifique important. On n'est pas tous à même à émettre une opinion. Pourtant, on est questionné tout le temps sur à peu près tout. Alors, les médias font souvent des gros titres à partir de talents de sondage, ne tiennent pas véritablement compte de tout cela, alors, et également ne tiennent pas compte des refus des sans-réponses. Donc, lorsque vous avez un sondage, on vous dit oui ou non, et bien, quand vous n'avez pas d'avis, vous ne répondez pas, est-ce qu'on comptabilise cette non-réponse ? Ben, statistiquement, informatiquement parlant, c'est déjà pas possible. Sauf lorsque vous avez un sans-avis qui est indiqué, qui est proposé. Donc là aussi, c'est un problème. Et ceux qui répondent et ceux qui ne répondent pas sont traités comme interchangeables. Ça aussi, ça pose un problème. Puisque ceux qui ne répondent pas, on ne connaît pas réellement leur avis. Les fameux indécis. Vous savez, le vote des indécis. Alors l'autre confusion, c'est ce qu'on appelle la moyenne. La moyenne, c'est une construction mathématique, c'est un petit peu comme l'échantillon, c'est une construction mathématique. La moyenne des opinions assimilées, elle est souvent comparée à la norme. Et pourquoi c'est comme ça ? Alors pourquoi est-ce que la moyenne, pourquoi est-ce que la majorité, si 50% de la population, ou 51% de la population se dit en faveur de telle cause, est-ce que c'est la norme ? Est-ce que c'est normal ? Et là, on est dans un domaine philosophique. Est-ce que la norme, c'est synonyme de bien ? Vous savez que les journalistes se disent on vous dit souvent, voilà, est-ce que c'est normal que... Est-ce que c'est normal, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est normal, la normalité correspond à la moyenne des comportements? Voilà, qu'est-ce que ça a à voir avec finalement, un jugement de valeur? Donc là, il y a plein de questions qui sont liées, encore une fois, à cette interprétation des résultats. Et parfois, personne n'est dans la moyenne. Hein, vous avez des pays qui sont très divisés. Vous avez des pays qui vont être attirés par des partis extrêmes des deux bords. Et puis on va faire le total et on va dire, bah, tiens, il y a plutôt une majorité équitable de gens qui votent à droite et à gauche. Mais finalement, tout ça ne correspond pas à grand-chose. Donc il y a un problème dans la rationalisation des résultats, si vous devez résumer ce point. Donc des généralisations. Lorsqu'on vous dit « les Belges sont pour quelque chose », ou en France, dans les enquêtes, dans les personnalités qui viennent de ces instituts de sondage, et qui sont sur les plateaux de télévision, ils vous disent « voilà, les Français veulent que... » Enfin, qui sont les Français? Les jeunes, les vieux, les... Donc c'est compliqué. Et en tout cas, c'est pas bien vu de généraliser systématiquement. Alors, et pour finir, je voulais aborder le thème de ce qu'on appelle les pseudo-sondages. Alors, les pseudo-sondages, c'est quoi? D'abord, petite intro de ce point. Vous savez bien que, encore une fois, ce qui est présenté comme scientifique, mathématique, rationnel, bénéficie d'un statut particulier. C'est associé à une certaine crédibilité, une fiabilité, une objectivité. Le fameux fact-checking, vous savez, on se base sur des chiffres, donc c'est vrai. Et donc, le quantitatif est tout ce qui, aujourd'hui, dans la forme, est associé et connaît une sorte de prestige. Les graphiques, vous savez, qu'on vous présente, les histogrammes, les tableaux, les chiffres, etc. Et donc, il y a une sorte de fétichisme statistique qui, bien sûr, intéresse également la presse, puisqu'on va mettre en avant plutôt des chiffres que des interprétations peut-être un peu plus personnelles ou plus complexes dans la longueur également. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les journalistes dans les médias et dans les émissions de télévision vont souvent avoir recours à ce type de, de dispositif. Alors vous avez des sondages fantaisistes que vous voyez apparaître dans tous vos quotidiens, tout le temps. C'est des sondages qui sont généralement organisés sans le moindre souci de rigueur méthodologique. Donc vous avez un sondage dans, je sais pas, prenons un... deux journaux au hasard, l'ADH ou Sud Presse, et on vous demande, bon, je suis certain, mais je n'ai pas été voir bien sûr, mais êtes-vous d'accord avec l'acquittement de Bernard Westphal? Oui, non, et en fait n'importe qui peut répondre, et on ne tient pas du tout compte de l'effectif, de l'échantillon, rien du tout. Donc ça c'est un sondage purement fantaisiste. Donc vous avez des mini-sondages qui sont des enquêtes faites auprès de groupes déterminés, et qui sont élevés après au rang de sondage représentatif. Et donc là, évidemment, c'est un biais, c'est une erreur, c'est une méprise, je l'espère, mais souvent c'est un procédé journalistique qui est totalement non déontologique. Et dans le meilleur des cas, ces pseudo-sondages sont présentés avec des fausses précautions. Hein. C'est ceci est un sondage internet sans rigueur scientifique, mais quand même, on le met bien en avant sur le site. Nos lecteurs plébiscite tel ou tel leader politique, pas lui le blog, on sait rien. Donc voilà. Alors l'autre type de sondage qu'on retrouve souvent, c'est les sondages dans les émissions de télévision, les sondages en temps réel, les sondages en direct. Donc les sondages qui sont organisés durant certaines émissions de télévision, mais qui sont particulièrement pervers. Pourquoi? Parce que des spectateurs qui regardent l'émission est invité à se prononcer sur des questions liées au débat en cours. Et donc, X téléspectateurs nous appellent et pensent que tel leader a bien performé à l'antenne. Et cette pratique présente en tout cas ce type de sondage comme tout à fait rigoureux, alors que ce n'est pas du tout le cas, et qu'il n'y a pas la même rigueur que dans un sondage, comme on a expliqué.